comme on peut le considérer, le phénomène d'abandonner, c'est émotionnellement difficile à vivre. Abandonner un événement ou abandonner dans un événement, c'est plus facile à digérer parce qu'on dirait que le facteur émotionnel est plus contenu. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a beau parler d'intégration, mais il reste quand même que dans le terme intégration, il y a quand même souvent beaucoup de souffrance, il y a beaucoup d'ambiguïté aussi qui se vit, à savoir si on a réellement mis un terme à une expérimentation. Et puis souvent, ben, cette lecture, si on peut dire, de cette expérience, elle est traitée avec l'affectif, avec l'émotivité. Et conséquemment, ben, quand on dit intégration, on dit généralement mental, on dit lecture vibratoire de la situation. C'est même pas l'intellect. L'intellect, lui, évidemment, il va toujours ramener une compilation d'images, d'informations, de tensions affectives, souvent, et il va donner un point de vue qui est « j'aime » ou « j'aime pas » dans le sens affectif du terme. C'est sûr que quand on n'aime pas un événement et qu'on a l'impression que de couper avec, ça nous donne l'affirmation de dire « ben moi, je coupe, puis j'ai intégré parce que j'en ai déjà assez bavé, j'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. » Votre point de vue, du point de vue réflexif, d'un point de vue intellectuel, et c'est sûr qu'il est valable si on le regarde dans un point de vue de raisonnement, mais il l'est moins quand on le regarde d'un point de vue psychique et du point de vue des forces, évidemment, qui, lui, les forces, c'est-à-dire, sont capables de déterminer la réalité de l'intégration, c'est-à-dire que c'est les forces qui exigent que l'expérience se vive, et c'est aussi les forces qui établissent la finalité de l'expérience en soi. Donc, dans un sens, je pourrais vous dire, tant que vous êtes réflexif, donc que vous analysez beaucoup la nature même de l'événement, je pourrais vous donner certains points de repère qui sont que, exemple, que la colère, pas la rage, là, la rage c'est émotif, mais qu'une colère c'est réellement vibrant, c'est réellement puissant dans sa vibration, ça peut être une mesure d'une finalité, dans le sens que ça achève, pas dans le sens que c'est fini, mais dans le sens que ça achève. Ce qui fait que l'événement ou la situation est réellement finie, c'est qu'elle ne se reproduit plus, ou que si elle se reproduit, vous êtes devenu totalement neutre par rapport à l'expérience. Je vous donne l'exemple d'une automobile. Pendant les périodes d'apprentissage, on vit toutes sortes de sentiments, on vit toutes sortes, je dirais, d'événements qui troublent notre certitude, notre confiance dans le pilotage. Et éventuellement, on peut dire, des mécanismes réflexes qui s'installent, qui sont probablement la sommation de toute justement cette expérience que vous avez dans le véhicule, dans l'automobile. Et quand il n'y a plus vraiment de tension sur le plan affectif, ben là, on pourrait dire que vous avez intégré votre conduite automobile et que la somme de toute cette expérience-là vous fait comme, je dirais, compiler le fait que vous avez touché à peu près à tous les genres d'événements à caractère accidentel, potentiel, ou même certainement pour certaines personnes, des accidents eux-mêmes, et qui vous emmène à une lecture de la route ou une lecture prudente qui font que vous êtes apte à dire « bon, ben j'ai une sagesse de la situation routière, mais je ne suis pas nécessairement à l'abri intégralement de ça, de l'événement accidentel ou de situations qui sont embarrassantes sur la conduite hivernale. » Je pense que tout le monde a goûté au verglas, tout le monde a goûté à de la neige surabondante, et donc conséquemment à des dangers qui viennent ou qui s'accompagnent de ces situations-là. Donc, c'est un exemple, mais une personne qui dirait « moi, je suis totalement à l'abri, j'ai la somme de toutes les expériences qui est possible de vivre là-dessus, et conséquemment, il peut plus rien m'arriver », c'est optimiste pas mal. Et considérant cet aspect-là, ben si la personne y croit vraiment, tant mieux pour elle, mais je suis pas certain que c'est une intégration. L'intégration, c'est vraiment quelque chose qui se constate et non pas qui se veut. On veut pas quelque chose. On constate qu'on est rendu dans une condition X. Et c'est cette espèce de constat des événements qui nous donne la, je dirais presque la certitude qu'on a intégré. Et encore là, comme on dit, s'il y a des expériences qui sont surprises à vivre au niveau de l'âme, on peut penser avoir intégré pendant 4-5 ans, 10 ans même, et puis subitement, pouf, une autre expérience et on pensait que c'était fini. Donc, c'est un peu comme un film à suspense quand on vit une vie. Et l'intégration, c'est vraiment pas sur le contrôle de l'ego. Très peu de gens peuvent dire « Ah, moi, j'ai totalement intégré dans cette expérience-là. » Il y a toujours des petites surprises. La vie, ça évolue. L'autre aspect qui peut donner une lecture d'une coupure qui est essentielle, j'ai mentionné auparavant que la coupure, c'est un effet d'impuissance. On pourrait le traiter sur le plan plus mental comme étant une perte de contenance. Disons que les forces, ils ont quand même à habiter une cinquantaine, une quatre-vingtaine d'années. Et puis, vous avez plusieurs chances de vous reprendre, si on peut dire ça comme ça. C'est pas tellement que c'est une affaire de chance, mais disons que il est assez évident qu'une situation qu'on n'intègre pas ou qu'on n'est pas capable de traiter, on perd contenance à l'âge de 12 ans. Quand elle se reproduit à l'âge de 20 ans, on a plus de chances d'y faire face. Et quand, éventuellement, on a une quarantaine d'années et qu'on a roulé notre bosse, comme on dit, ben la fameuse expérience de 12 ans, ben est plus facile à affronter. Donc, il y a nécessairement beaucoup de cachettes dans votre mémoire qui n'ont pas eu l'occasion de contenir certains événements. Et souvent, c'est le but de l'exercice, comme on dit, de refaire surface à des mémoires, à des expériences passées dans leurs états plus particulièrement, parce que finalement, le contact traite surtout avec la vibration et non pas avec l'aspect intellectuel de l'expérience ou l'aspect strictement émotionnel même de l'expérience. Donc, il nous représente un type d'événement pour qu'on ait à, on pourrait dire, le digérer, le voir se reproduire dans des formes différentes souvent, mais surtout dans une vibration qui nous rappelle quelque chose. Et sachez bien ou sentez bien que dans ce rappel de la mémoire et dans le rappel de l'événement aussi, des fois c'est très désagréable, mais ça vous permet de dédramatiser, d'enlever la peur, de dégager la peur qui se lie à l'expérience passée. Il y a des choses des fois qu'on n'a pas l'impression d'avoir été vraiment à fond et ça nous reste dans le mental parce que justement on a perdu contenance et à un moment donné de notre vie, ben, il se représente l'événement pour qu'on ait l'occasion de se représenter en contenance, en stabilité, en neutralité, si vous aimez mieux sur le plan mental. Donc, ça, quand on dit qu'on coupe, prenez toujours pour acquis que l'expérience de la coupure, c'est une expérience qui est liée à une forme de perte de contenance et qui va se représenter pas selon votre volonté, mais qui va se représenter dans les événements de vie, parce qu'il y aura définitivement des gens qui vont concorder avec votre état mental et qui vous permettront conséquemment de vivre l'ajustement qu'il faut. C'est très cohérent, vous savez, l'intelligence. Et l'intelligence, c'est pas quelque chose dans lequel on est propriétaire. L'intelligence, c'est vraiment quelque chose qui nous habite à certaines occasions pour qu'on ait justement l'opportunité de se délivrer d'angoisse, de crainte, de peur, de tout ce qui polarise notre mental. N'oubliez pas que l'objectif intégral d'une vie, c'est d'être neutre, c'est d'en arriver à des états de neutralité vis-à-vis bien des formes d'événements. Je ne dirais pas toutes les formes, parce qu'il y en a énormément, et que tout le monde dans une vie n'a pas nécessairement à faire face à toutes les formes de tension ou de crise qui peuvent exister. Il y a des gens qui ont déjà un bon parcours dans d'autres vies antérieures et qui n'ont pas à répéter ce que d'autres ont vécu qui sont plus jeunes, disons, on va dire, au niveau de l'âme. Partant de ce point-là, j'affirme de jeunesse au niveau de l'âme, un âme jeune vit des grosses crises. Un âme plus mature vit ces mêmes crises ou la nature même de la crise d'une façon plus psychique, d'une façon plus mentale. Parce que tout se règle plus au niveau mental rapidement. Donc, la proportion d'événements à crise dans une vie est surtout reliée à l'état mental de l'individu. Si une personne, on dit, il a une belle vie ou il a une vie qui semble, en tout cas, apparemment dégagée pour des gens, c'est que souvent, la personne a une capacité de régler assez rapidement, de comprendre assez rapidement, mais surtout de vibrer une neutralité devant le type d'événement dans lequel il est exposé. Une autre personne dans le même genre d'événement va vivre une angoisse, une crise physique même souvent, plus aiguë, parce qu'elle n'arrive pas à son point de neutralité, à son point de détachement, assez rapidement. Et conséquemment, ben ça implique une plus grande profondeur dans la souffrance. Parce que faut s'entendre que intégrer, ça suscitant soit des souffrances au niveau du corps vital, c'est-à-dire au niveau physique, ou bien au niveau mental, dans le sens intellectuel, ou même au niveau du corps émotionnel par le jeu extrême de la polarité. Et que souvent, il ne faut pas se surprendre aussi que des gros changements vibratoires dans une personne où il n'y a pratiquement aucun événement physique ou émotionnel qui s'apparente à la souffrance en question peut apparaître. Donc, si je pourrais dire qu'il y a un élément commun à tous, à toutes les formes d'intégration, c'est qu'il y a une souffrance. Il y a comme quelque chose qui se détache. Donc, c'est comme une partie des différents corps subtils ou du corps physique qui semble être un peu disloqué dans un temps pour retrouver une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de faire. Je voulais remarquer que les gens qui sont fixes, en général, souffrent plus que les autres quand ils sont atteints par ces mutations-là. Et les gens qui sont souvent excessivement fixes et qui ont une très grande résistance, non seulement souffrent plus, mais ont plus de temps à vivre avant d'arriver à une intégration, parce que, justement, ça demande d'assouplir et de rendre plus flexible le tempérament de la personne. Bon, le sujet de la conférence ce soir, c'est couper dans nos relations, soit toxiques ou dans les événements qu'on subit dans notre vie, mais sans abandonner. Abandonner une personne ou abandonner dans le sens d'être découragé. Ça va dans les deux sens. Si on regarderait le caractère de la coupure comme étant une sorte de roll-ball, dans le sens que l'individu, à un moment donné, ne contient plus la nature de l'expérience dans laquelle il est plongé, et puis il est exposé à ce moment-là à une sensation d'impuissance qui lui crée une inaptitude à trouver des solutions, donc une inaptitude à regarder dans son environnement ou de lire dans son environnement comment il peut se dégager de l'obstacle, de l'interférence, de l'opposition dans laquelle il est impliqué. Donc, on pourrait regarder que si on pousserait ça à l'extrême, là, à l'extrême opposition, la mort serait l'élément de coupure fatale finale qu'un individu ou un égo a à subir dans sa vie. Puis que tout ce qui est en bas de ça, ben, il y a encore une solution. Partant du principe que la mort est également une solution, dans le sens qu'elle dégage définitivement des obstacles dans lesquels tu es placé au niveau de la forme. Donc, ça nous amène à regarder c'est quoi qui fait qu'on en arrive à des sentiments d'impuissance. Si vous regardez la vie strictement au point de vue de l'esprit, il n'y en a pas de restriction, il n'y a pas de limitation. Il y a simplement des changements de nature de lecture. Tu sais, c'est une lecture de la vie. Puis quand tu es dans l'esprit, tu changes ta lecture, puis tu changes, on dirait, de plan ou de mouvement ou de perception de qu'est-ce qui est à faire. Puis vous remarquerez que tant et aussi longtemps qu'une personne est capable de modifier sa lecture des événements ou de l'expérience dans laquelle il est placé, donc plus il est capable d'aller vers l'esprit, moins il est décourageable. Parce qu'il y a toujours, comme on dit, entre guillemets, il y a de la lumière au bout du tunnel. Mais c'est pas donné à tout le monde d'être capable de changer sa lecture rapidement ou, je dirais, aisément, parce que la forme dans laquelle on est placé, la forme intellectuelle, la forme vitale, parce qu'on parle de santé dans certains cas, la forme matérielle dans le sens monétaire du terme, ou la forme d'échange dans laquelle on peut être placé pour les rapports humains, ben ces formes-là sont des expériences qui sont souvent nécessaires d'être difficiles dans un temps X de ta vie pour que tu puisses changer d'orientation et que tu puisses changer ta vibration et conséquemment de passer à d'autres niveaux d'expérience. C'est comme si je vous dirais, c'est inévitable que dans une expérience, vous ayez des temps d'opposition pour renforcer votre volonté. Parce que j'ai souvent dit aux gens, Il faut du mal, il faut un obstacle de vie qui est maléfique dans un sens pour développer la contenance et la volonté. Un individu qui n'aurait pas d'obstacle dans sa vie, il serait très léger. Il serait très informé, mais malheureusement pas apte à prendre des décisions avec autorité et avec force. Donc, ce qui lui donne de la force, ce qui lui donne de l'autorité, c'est son aptitude à faire face à l'obstacle, faire face à l'opposition, faire face à la contradiction et conséquemment de passer à des registres de lecture qui sont plus larges que ces limitations intellectuelles dans lesquelles il a de l'air de convenir à un certain moment donné dans sa vie parce qu'il se donne raison. Tant et aussi longtemps qu'un individu se donne raison dans sa réflexion, il y a beaucoup d'expériences à vivre. Quand vous sortez du raisonnement, vous tombez dans un processus de maturité avec lequel cet aspect-là, mature, vous permet de convenir avec l'expérience et de traiter avec la force que vous avez, qui est psychique, qui est physique, qui est vitale, qui est émotionnelle dans certains cas, et qui vous permet de faire face à l'expérience pour justement être capable de passer à d'autres registres d'autorité, à d'autres registres de contenance qui vous permettent de vous libérer d'une expérience passée ou d'une expérience qui va devenir passée, pour éventuellement passer à un autre registre de créativité ou de mouvement que les forces vont vous impulser par vibration. Donc, ce qu'on pourrait considérer comme une coupure, dans un temps, on pourrait dire que c'est une échéance vis-à-vis de l'expérience, c'est-à-dire que l'expérience, à un moment donné, prend son terme. On n'est pas nécessairement intéressé à ce que l'expérience finisse. Mais souvent, quand on commence à perdre contenance dans l'expérience, on est obligé de faire une coupure. Par contre, l'ego, lui, a une mémoire, et quand il fait sa coupure, ben il y a des bons côtés de son expérience, puis les mauvais côtés, il a tendance à les refuser, parce que il est pas toujours prêt à développer la fameuse contenance qu'il faut pour avoir l'autorité qu'il faut. Et conséquemment, en refusant cette continuité dans l'expérience, il est obligé de faire des coupures. Mais là, il faut bien comprendre que coupure ne veut pas dire nécessairement finalité. On s'entend qu'une coupure, c'est, on va prendre le terme anglais « reset », que quand on est sur un ordinateur puis qu'il est buggé, là, qu'il y a quelque chose qui est dans la programmation du logiciel qui empêche de continuer la souris gèle à l'écran ou n'importe quoi, souvent, on sait pas quoi faire ou on peut pas rien faire de toute façon parce que l'écran est gelé. On fait ce qu'on appelle un « reset ». Ben, un reset, c'est une coupure. Fait que souvent, dans votre expérience d'âme, ce qui se produit, c'est que vous êtes placé devant un conflit, une limitation, et puis vous n'êtes pas capable d'y faire face, et conséquemment, vous êtes obligé de faire un reset. Ça veut pas dire que l'ordinateur ne se réallumera plus. Ça veut simplement dire qu'il devient nécessaire pour votre expérience avec la machine de repartir à zéro. Fait que la coupure est très, très, très fréquemment une occasion qu'on se donne dans la vie pour repartir à zéro. Et puis, faut pas gêner quand on est, exposé à des limites de vie. Il faut revenir aux sources. Tu sais, quand à un moment donné, t'as une situation, là, que c'est réellement abracadabrant, tu peux plus fonctionner, tu peux plus avancer. Ben, il faut absolument que, dans ton expérience de vie passée, que tu puisses dire, ouais, moi, j'ai fait ça de même. J'ai suivi une certaine procédure, puis c'est bien allé jusque-là. Là, on dirait que je me suis avancé sur un terrain qui est réellement chaotique, et puis je commence à vivre du mystère qui ne peut pas me permettre d'avancer plus, parce que là, j'ai trop d'inconnus à régler, et puis j'ai pas les aptitudes ou les capacités pour régler ça. Ça peut se régler peut-être dans le futur, mais il va me falloir des événements qui me placent, avec les outils que j'ai, avec les situations que j'ai vécues qui me permettent de sentir que j'ai une certaine habileté à régler. Il va me falloir des événements qui corroborent avec mes capacités pour régler la problématique. Vous me suivez? Donc, ça veut dire que dans une expérience, vous pouvez avoir un plafond qui est imposé pour, je parle bien imposé par les forces, là, qui est imposé pour en arriver à créer chez vous une rupture d'un mouvement parce que vous n'avez pas les aptitudes pour fonctionner sur du futur, puis c'est important d'intégrer un passé. C'est-à-dire que dans tout le cheminement de l'expérience, vous pouvez avoir carburé avec bien des lectures, bien des observations, beaucoup d'informations. Vous avez peut-être établi des rapports humains sur lesquels il y a des chocs en retour à consommer, à régler, à balancer. Et puis là, conséquemment, ben, les forces vous imposent une coupure. Ils vous bloquent, littéralement. Ils vous imposent une coupure pour pouvoir vous remettre à zéro pour repartir la machine. C'est sûr que quand vous allez revenir dans le programme, vous allez revenir dans votre programmation, vous avez quand même un cheminement de fait. Par contre, on va vous faire repasser par toutes les étapes de ce cheminement-là pour réellement vous affranchir de, justement, des fameux chocs en taux que vous avez peut-être vécu. Et puis, vous affranchir aussi d'une projection que vous aviez dans votre expérience qui était trop égoïque, qui n'était pas assez vibratoire. Des fois, on se projette dans une sorte d'illusion de pouvoir faire ça facile. Même si ça a de l'air facile, ce que ça demande au niveau psychique, c'est pas facile. Mais ça, avant de savoir que c'est pas facile, faut que tu défasses l'illusion du facile. Puis là, les forces vont vous imposer, à travers l'illusion que vous avez de la forme, ils vont vous imposer des moments de résistance, des moments d'explosion de votre illusion, puis ils vont vous emmener dans un registre de déception, c'est sûr, pour justement vous faire voir l'illusion qu'il y a dans la forme, puis de vous faire sentir, c'est quoi votre programmation dans la vie? C'est-tu de vous en aller dans une projection d'évasion ou si c'est vraiment dans votre être de faire telle ou telle chose? Fait que, si on comprend bien qu'il y a une illusion, on comprend surtout que la mise en vibration de ce qui a été vécu dans le registre, exemple boursier, dans mon cas, ça a été comme un moyen d'évasion de ma programmation. Tu sais, c'est comme si j'ai essayé d'échapper à l'aspect difficile du travail de parler puis de te faire comprendre. Surtout dans les registres que je parle, c'est très difficile d'être compris. Mais tu sais, on veut toujours que ça aille plus vite, hein. Fait qu'on cherche toujours des expériences de vie qui nous donnent l'impression que ça va aller plus vite. Puis c'est une illusion. Puis couper, c'est quoi? Hein? Parce que couper, tu sais, c'est bien facile. On dit on coupe. Mais c'est pas genre la fin d'un film, là, où c'est marqué FN, fin. C'est pas comme ça que ça se passe. Couper, c'est désinvestir toute attention ou tout intérêt dans un secteur pour que ça soit mis comme en hibernation. OK? Fait qu'il y a des affaires comme, exemple, je pourrais dire, j'ai coupé avec la guitare, coupé avec l'intérêt de faire de la musique. Mais je l'ai mis en hibernation. Ça veut dire que je peux toucher une guitare dans 3 ans, 4 ans, puis trouver un niveau de satisfaction à ce moment-là. Mais dans l'étape actuelle de la vie, je suis obligé de couper. La moto rendue à l'hiver, tu es obligé de couper. Tu n'abandonnes pas parce qu'au printemps, tu vas rembarquer dessus. C'est saisonnier. À chaque fois que vous vivez quelque chose qui est saisonnier, vous êtes dans un mode coupure. Vous êtes dans un état de conscience que c'est pas possible de faire telle chose à tel moment. Donc, conséquemment, vous vivez une coupure qui est pas un abandon. Abandonner, ça se dit c'est fini. Mais ça, c'est fini, c'est réellement une impuissance intégrale de pouvoir continuer à faire quelque chose parce que là, c'est pas dans ta programmation. Mais quand c'est pas dans ta programmation, une expérience à vivre, si ta vie, c'est qu'elle fait partie de ta programmation pour supporter un moteur. Dans ta programmation, tu as 2-3 affaires intégrées. Tu n'en as pas 250. Mais ils peuvent te faire vivre certaines expériences pour te faire réaliser quelque chose. Et puis l'expérience que tu vis, la forme est pas importante, mais ce que tu vibres dans l'expérience est important. OK? Fait que, si disons une personne, exemple, a des problèmes avec la perte, a peur de perdre, a toujours peur de manquer de quelque chose, ben, elle passe par l'expérience de la bourse, m'a dit, elle a des très, très, très, très bonnes chances de vivre une explosion de sa crainte là-dedans, là, parce que, donc, conséquemment, l'individu qui est dans une programmation restreint dans la forme qui l'alimente, là, tu sais, que ta survie est réglée par cette programmation-là. Tu peux manger, tu peux travailler, tu peux te structurer, tu peux t'organiser parce que tu as un aspect vibrant dans ta programmation qui te permet de faire certaines choses. Ben, c'est sûr que si à un moment donné, tu es bloqué dans ce master key-là, là, dans cette forme maîtresse-là, si tu es bloqué, ils vont t'envoyer vers un autre genre d'expérience pour que tu puisses régler en vacances des choses qui sont essentielles dans ta vie commune de tous les jours. Bon, c'est sûr qu'il y a certaines expériences qu'on aurait le goût de vivre parce qu'ils ont plus de panache, ils ont plus de puissance dans l'impression. Mais ça ne veut pas dire que ça va vous donner cette expérience-là de l'identité. ça peut vous donner une expérience de personnalité qui a une certaine forme de magnétisme, mais c'est pas vous qui êtes magnétique, c'est la forme que vous voulez travailler avec. Fait que c'est comme si quelqu'un, exemple, voudrait faire de la Formule 1 ou voudrait faire de la compétition de moto ou de quoi que ce soit pour se donner un genre, pour se donner un affichage de puissance. Mais c'est pour balayer un sentiment d'impuissance, un sentiment de petitesse ou de difficulté interne. Puis il va rentrer dans cette expérience-là pour aller régler un problème d'impuissance, pour après revenir dans ses formes maîtresses au niveau structure de travail, qui vont lui donner à ce moment-là comme le sentiment d'avoir dépassé une crainte, le sentiment d'avoir dégagé une problématique dans sa vie au niveau psychologique, liée à son enfance, quoi que ce soit. Qui peut être, exemple, un conflit d'autorité qu'il y a eu avec sa famille, son père, sa mère, peu importe ses frères, ses sœurs. Puis là, il va se dégager de ça. Mais la forme est simplement le prétexte pour aller y faire vibrer quelque chose, qu'une fois qu'il va l'avoir vibré, la forme va disparaître. La forme va être abandonnée. Mais la personne va être délivrée d'une tension existentielle parce que en abandonnant cette forme-là, elle va revenir à sa source, elle va revenir à sa fonction maîtresse. Fait que conséquemment, c'est comme dans ta destinée, ce qui a marché, ça marche. Ça prend pas 200 ans, là. Ça marche tout de suite, là. Puis quand ça veut pas, là, c'est probablement une expérience pour te dégager de quelque chose. Peu importe le temps que tu y mets dedans, peu importe l'énergie que tu mets dedans, ou ce que tu investis dedans, ce qui est toi va toujours être toi. Puis ce qui est pas toi, ça pourra jamais être d'autre chose que ce que tu es. Jamais. Mais ça peut être nécessaire pour vous défaire, pour vous délivrer de certains. Ça veut dire que quand vous coupez dans la vie, vous êtes arrivé à un moment donné comme on appelle ça des carrefours de vie. Vous êtes dans des positions là où il faut vraiment que vous preniez une orientation, gauche, droite, avant, en arrière, et puis que c'est plus une affaire de t'as le choix. Tu coupes pas par choix. Tu coupes parce que t'es plus capable. Plus capable. Dans le moment où tu n'es plus capable. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas capable dans 6 mois ou 1 an. Ça veut dire que right now, présentement, dans la situation dans laquelle tu as à prendre une direction, tu n'es plus capable de. Donc, tu es obligé de faire d'autres choses. Fait qu'une personne dit, moi, j'ai coupé dans ma job, j'ai coupé dans ma relation de couple. Tu es aussi bien dit que tu ne contenais pas ce que tu vivais, puis c'est pas mal plus simple. C'est pas drôle pour l'ego d'affirmer qu'il y a un sentiment d'impuissance, mais la coupure est nécessairement liée à une impuissance ou une incapacité que tu as de continuer dans un registre donné. Ça, c'est la réalité. Là, tu vas dire sans abandonner. Là, je vois les gens qui disent « Moi, je lâche jamais dans la vie. » Tu peux être toqué en passant, puis c'est pas nécessairement intelligent, là. Fait que tu peux être toqué, la femme, elle se fait battre par le mari qui boit, qui est alcoolique, puis elle dit, bon, ben là, faut que je coupe, là, c'est à soir, je m'en vais au motel, je serai pas là, ben j'ai pas le goût de me faire battre à soir. Mais elle déménage pas, elle reste là. Elle revient chez eux, puis là, elle dit, ben écoute, avant, quand j'étais jeune, je pouvais me faire battre 4 fois par semaine. Là, je vieillis, là, pas plus que 2, là, tu sais, puis peut-être qu'un jour, juste 1 fois par semaine, là, ça va être assez. Mais ça, c'est pas abandonner nounou, tu sais, dans le sens que coupe, t'es plus capable, là, t'as 4 fractures de ci puis de ça, là, puis c'est assez. Et puis, abandonner, c'est pas toi qui abandonne, c'est la nature même de l'événement qui force l'abandon. C'est ton esprit qui t'indique que là, faut que tu changes. Parce que si t'abandonnes pas, littéralement, donc, ça devient important de comprendre qu'il y a des programmations qui sont interreliées, et puis que tant et aussi longtemps que t'as à vivre quelque chose par rapport à ça, qui est une prise de conscience, c'est valable. Mais il arrive un stage qu'il faut que tu fasses ta prise de conscience, parce que si tu ne fais pas ta prise de conscience, l'âme va te faire te rendre malade. Tu vas avoir le cancer, tu vas avoir une maladie chronique, tu vas avoir quelque chose qui va t'empêcher de vivre, parce que tu vas vivre avec une absence, puis tu peux pas vivre à moitié vide. Faut qu'en quelque part, tu te crées un environnement, un univers qui est en autorité, qui est capable de se créer un courant futur, et non pas un courant qui est retenu par le passé. Imaginez-vous un gars qui court avec un élastique dans le dos, accroché à un quelconque poteau. plus il court, plus il va revenir, parce que l'élastique va s'étirer, ça va créer de la grosse résistance, il va finir par lâcher, puis l'élastique, vous savez ce que ça fait, ça vous ramène très, très, très vite en arrière, hein, et conséquemment, la personne, à ce moment-là, est plus capable de penser qu'elle va réussir à avancer. Fait que votre passé, il est pas intéressant au niveau des formes. Votre passé est intéressant au niveau des événements. L'événement, il vous parle de quoi? Il vous dit quoi, l'événement? Qu'est-ce que l'événement a à vous donner comme message? C'est sûr que les événements négatifs ont un plus gros message que les événements positifs, dans le sens qu'il y a une correction à apporter. L'événement positif, on pourrait dire que c'est une espèce d'accomplissement. Vous avez bien fait les choses, au niveau psychique, j'entends, et puis ça vous permet, au niveau de l'ego, de sentir que vous êtes en autorité. D'ailleurs, l'autorité vient de ça, de cette aptitude à reconnaître son propre talent ou à son aptitude à reconnaître une réelle contenance à faire certaines choses. Vous avez des gens qui ont une aptitude à faire certaines activités professionnelles. Quand ils s'en vont dans un autre secteur où ils pourraient avoir professionnalisme, de leur part, ils sont limités parce que, bon, je sais pas, ils maîtrisent pas une langue ou ils maîtrisent pas certaines choses qui doivent avoir été marquées de ton enfance. Marc est consultant, moi je suis consultant, on travaille pas dans le même domaine, on travaille pas dans le même secteur. Moi je vais travailler avec lui, je vais avoir une limitation quelque part parce que il y a probablement une aptitude à comprendre les structures que j'ai pas parce que j'ai pas nagé là-dedans. Par contre, si lui vient sur mon terrain, parler sur le contact, je pense qu'il peut avoir des manques en quelque part. Fait que c'est sûr que même si vous avez des programmations interreliées avec des gens, il y a quand même des gens qui sont de passage dans votre vie, puis il y a d'autres personnes qui ont un courant continu. Mais c'est aussi continu que c'est en esprit. Parce qu'au niveau de l'âme, il peut avoir des personnalités qui sont difficiles à traiter. Moi, je suis en relation avec des gens pour du développement, mais faut bien comprendre que le développement que j'ai à faire avec eux crée un différentiel. Parce que si je les aide à se développer, c'est parce qu'ils savent pas ce que je sais. On s'entend. Fait qu'on n'est pas sur la même ligne. On est sur une ligne où je vois des choses qu'ils voient pas, puis je suis obligé de les informer sur ce qu'ils voient pas. Fait que j'ai un rapport actif sur eux autres, puis eux autres, ils ont un rapport relativement passif avec moi, qui peut passer à un niveau d'action, mais que ça peut pas s'égaliser parce que je suis en zone de développement avec eux autres. Donc, ma lecture des événements est une lecture dans leur programmation, qui est une relation, on va dire, paternelle, en général. Et leur relation à eux, c'est une relation d'absorption, que quand ils vont faire, ils vont manifester une rébellion, une révolte, je vais les opposer un petit peu pour être sûr qu'ils sont prêts à fonctionner tout seuls. Puis, s'ils sont prêts à fonctionner tout seuls, là, je vais les abandonner. Je couperai pas avec. Je vais les abandonner. Pourquoi? Parce que les coupeurs vont être faites strictement en fonction des mouvements de rébellion. Mais c'est bien beau te rebeller de ton père ou de ta mère, mais faut que tu sois prêt à payer ton loyer et sortir à l'extérieur. T'sais. Mon gars, il m'en a fait des shots de rébellion à 14, 15, 16 ans, mais il est parti de chez nous à 21, par exemple. Vous me suivez? Fait qu'il y a eu beaucoup de coupeurs, style, va vivre dans ton local, bonhomme, là, tu sais, des affaires de même, puis deux jours après, il revenait, parce que, mettons que c'est pas aussi confortable dans un local pour faire de la mécanique, puis dormir dans ton lit. Fait que les coupeurs, il y en a eu beaucoup, mais dans sa programmation, il était pas prêt à abandonner. Puis quand, à un moment donné, il y a décidé qu'il s'en allait, ben là, ça se sentait, c'était à côté, là, il y avait pas de retour. Là, il y a eu abandon. Il y a eu abandon dans le sens qu'il n'est plus jamais revenu chez nous, dans ce sens-là. Pas dans le sens qu'on n'a pas on a pas eu une bonne relation après, mais c'est qu'il y a eu phénomène d'abandon. Quand vous venez divorce, puis que vous êtes réellement là dans le spirit d'abandonner, l'autre, on dirait que tous les problèmes que vous avez eus, ça compte plus. Parce que vous savez que vous avez fait et vous avez été jusqu'au bout. OK? Puis conséquemment, le fait de sentir qu'on a été jusqu'au bout, abandonner, ça devient pas un manque de courage. Vous savez? C'est comme simplement une étape définie dans votre vie, puis dans la vie de l'autre. Puis c'est même pas une préoccupation de savoir si l'autre est rendu au stage où vous êtes vous. Fait que, tandis que la coupure, c'est une façon de faire vivre à l'autre l'absence pour qu'il se donne plus d'identité, pour qu'il se donne plus de corps, pour qu'il se donne plus de force, puis de contenance de lui-même, pour être capable, éventuellement, de contrôler sa vie, c'est une façon de parler, d'avoir du contrôle dans la vie, en ayant un plus grand accès à sa mise en vibration. Je parlais cette semaine dans une de mes formations, je parlais de la différence entre vibrer les choses et être sous l'influence de quelque chose. Quand on vibre les choses, ça part de nous autres. Quand on est sous l'influence des autres, ou sous une influence, ça part de l'environnement. Puis souvent, notre environnement, tu sais, je vous donne un exemple avec la publicité. La publicité peut vous vendre une auto, mais avez-vous besoin de cette auto-là? Tu sais, des fois, je regarde les Jeeps aujourd'hui, pas les Jeeps, mais les quatre roues, les VU, qui appellent les véhicules utilitaires. C'est pas vraiment mon style de véhicule, mais c'est beau. Ça a de la gueule, c'est confortable. Tu sais, ça fait son 100 km sa route comme n'importe quel. Fait que, tu sais, je veux dire, pourquoi tu dirais que t'en veux pas? Tu sais, laisse-toi ouvert. C'est possible qu'un jour, tu n'aies de besoin. Mais c'est pas dans ma nature. Parce que, dans ma nature, c'est comme j'ai été forgé à d'autres lectures de la route, à d'autres lectures de ce qui est ma zone de confort ou de ce qui est ma zone d'habilité, mettons. OK? Et puis, conséquemment, ben, quand je regarde ça, c'est comme si je le regardais pour un autre. Mais je suis capable de le voir en essayant de voir ce que je pourrais vivre pour moi. Puis là, en le regardant pour moi, je vis de l'influence. Si je suis très vibrant, donc très défini, je peux dire, c'est pas mon étape de vie, tu sais. Ou si j'en ai besoin d'un, m'aller en louer un. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est comme, je suis pas capable de me l'approprier parce que je le vibre pas. Mais si je suis très influençable, je vais en avoir un, puis je vais dire, je suis pas bien là-dedans. Tu sais, au quotidien, là, j'entends. Tu sais, c'est comme, pour un homme, une belle femme, là, c'est une grosse influence, mais est-ce que tu la vibres, la relation? Est-ce que tu es dans la relation parce que tu la vibres ou si tu es dans ta vie juste parce qu'elle t'impressionne? Si elle est là juste par l'impression, tu vas larguer, c'est une question de temps. Puis même chose pour la femme. La femme, c'est avec un homme parce que le gars, il l'impressionne, puis qu'elle voit dans le gars la capacité de se faire prendre en charge, puis tout le kit. Ben, elle peut rentrer dans une relation sous influence, ben pas nécessairement sous l'effet de sa propre mise en vibration. Fait que ça fait quoi, ça? Ça fait des gens qui sont obligés de couper, puis des fois s'abandonner. Pas s'abandonner dans le sens sexuel du terme, là, mais se laisser aller dans une autre expérience, parce que ça a été juste une exploration, c'est pas nécessairement essentiel ou fondamental. Vous me suivez? Donc, on en arrive avec l'affaire que de la coupure, quand on l'a fait, il y a bien de l'ego là-dedans. Il y a bien du rationnel. Il y a bien du calcul. T'sais, on calcule que l'autre nous donne pas si, puis on calcule qu'on en donne plus que l'autre, puis on calcule. Fait qu'il y a beaucoup dans la coupure du calcul. Quand vous êtes dans du calcul et que vous passez au stage d'abandonner, on va vous le remettre dans votre assiette. Parce que c'est pas vous autres qui décidez, en finale, de qu'est-ce que l'expérience doit vous faire voir ou vivre. OK? C'est l'esprit, c'est votre esprit. Fait que votre ego va dire, non, moi, je veux pas ça. Puis là, 3 mois, 6 mois, 1 an après, on te représente une autre forme avec une autre zone d'influence. Puis si t'es pas encore à côté sur ce que tu vibres, ça va être la même expérience. Fait que toi, t'as coupé avec une personne, mais t'as jamais été capable d'abandonner ce que t'as à aller chercher dans la mise en vibration. OK? Fait que la fameuse mise en vibration, elle te reconnecte avec une forme différente, mais pour revivre la même expérience avec laquelle tu avais coupé par état d'impuissance. Oubliez pas une chose, quand l'ego coupe, c'est parce qu'il n'est pas capable. Pas capable. Donc, conséquemment, l'esprit, lui, il va attendre que tu aies mijoté ton affaire, puis il va te représenter un changement dans la vibration de la relation pour que tu repartes l'échange là où il y avait une carence, un manque, puis une transition à faire. Donc, chaque personne dans sa vie va, vous êtes assez âgé aujourd'hui pour le remarquer, chaque personne dans sa vie va remarquer que les expériences que vous n'avez pas intégrées, ils vous sont représentées dans votre assiette systématiquement. Là, vous allez me dire, on peut-tu changer ça? Non, on peut pas changer ça, parce que c'est le sens même de la vie d'intégrer. On vous met au monde, vous êtes mis au monde, vous êtes sur la planète, pour en arriver à dépasser ou à contenir, si vous aimez mieux, des mises en vibration qui sont essentielles pour une progression de l'esprit sur plusieurs incarnations. Et puis, on s'entend que l'individu qui a besoin de saisir le sens de la vie, il n'a pas besoin de le saisir dans l'accumulation de performances, de richesses ou de relations humaines, ces choses-là. Parce que c'est pas ce qui fait dans la vie ou ce qui capitalise dans sa vie qui a de l'importance. Parce que quand tu meurs, tu perds toutes ces formes-là. Mais c'est ce que tu intègres. Ça veut dire, c'est les prises de conscience que tu fais dans l'expérience d'accumulation, de rapport humain, ces choses-là. C'est ça qui va suivre dans vos prochaines vies. Donc, conséquemment, les illusions d'enfants sont énormes, il y en a beaucoup. Et ces illusions-là servent évidemment à permettre à un individu de comprendre sa vie sur les registres de l'influence ou de la mise en vibration. L'influence étant extérieure, que la mise en vibration étant le feu que les forces vous donnent pour faire quelque chose. Fait que conséquemment, si vous dites « je suis sous influence », si vous êtes en exploration, ça c'est l'enfance de l'âme. L'âme explore. L'âme, c'est un explorateur. OK? L'esprit, c'est un intégrateur. L'esprit, il y a des gens qui vivent beaucoup d'expériences d'âme, mais qui n'ont pas d'aptitude à l'intégration. C'est pas dans l'usie, ça. C'est comme les Atlantes. Les Atlantes ont exploré beaucoup, beaucoup le corps émotionnel, mais il n'y avait aucune puissance d'intégration. Ils étaient barouettés par toutes les ondes d'influence magnétique que tu peux imaginer. Dans le temps, c'était les cristaux qui raidaient tout. Mais quand tout est facile, tu forces pas, hein. Fait que t'as une science qui te permet d'avoir ci, ça, quasiment télépathiquement. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de densité qui s'intègre là-dedans. Par contre, quand vous êtes confronté à une expérience que il y a des obstacles, puis que c'est tough. S'engager là-dedans, tu sais, quand c'est pas facile, puis que l'ego il dit hey, moi là je suis pas le meilleur là, je suis pas l'autorité suprême, je suis pas dans un rapport égalitaire ou quoi que ce soit. Là, c'est dur pour l'ego parce qu'il est obligé de regarder ce qu'il vibre et non pas ce qu'il veut faire. Moi, j'établis un rapport avec une personne, la personne, je sais pas, moi, doctorat dans quelque chose, elle me parle puis elle se donne ascendance parce que là un environnement intellectuel qui a donné un diplôme, et puis, dans le dialogue, elle réussit pas à m'impressionner. Monsieur ou madame est frustré. Est frustré de quoi? Est frustré de pas travailler sur ma vibration? Est frustré de pas pouvoir me percer dans ma vibration? Ça veut pas dire que j'y reconnais pas son talent. Ça veut dire que lui est pas capable de reconnaître le mien. Vous me suivez? Parce que de l'esprit, c'est pas conflictuel. Tandis que de l'ego, intellectuellement, ça cherche toujours un rapport dominant-dominé. Tout le temps. C'est ça le jeu des entités. Quand vous avez une entité qui est pluguée dans votre système nerveux, ben, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche la confrontation. Il cherche à se mesurer. Il cherche à évaluer que t'es plus petit que lui, tout le temps. Ou que toi, lui, est plus petit que toi. Parce que ça peut jouer aussi dans le sens de faire la victime puis la faiblesse pour pouvoir donner l'impression à l'autre que « prends-moi en charge ». Tu vois, je suis fragile, si tu me prends pas en charge, je vais mourir. Fait que cette situation-là exige dans l'être qui s'intègre de couper avec certaines expériences. Parce qu'il y a des gens que il n'y a rien à faire avec eux autres. Ils vont toujours avoir un rapport enfant-parent avec toi. Ils vont toujours te placer dans une situation soit de prise en charge ou une situation d'autorité pour engendrer du conflit. Parce que c'est pas des personnes qui ont la programmation pour intégrer. J'écoutais, je faisais le montage de « Le mensonge qui précède le vide », une autre conférence que j'ai faite. Puis, je référais à un moment donné à une affirmation de Bernard qui disait « Les gens de la sixième race, ils ont tout un implant dans le mental. Et puis, leur besoin, eux autres, dans la sixième race, c'est la communication. Le besoin de la cinquième, c'est d'ouvrir des débats intellectuels. Donc, dans la cinquième race, si tu dialogues, faut que tu intellectualises. Dans la sixième race, quand tu dialogues, c'est pour trouver une zone d'harmonie où l'esprit se nourrit de l'autre et non pas se confronte à l'autre pour le bouffer. Bouffer quelqu'un, l'avaler, ça ne digère pas. Mais goûter de sa vibration pour pouvoir t'éclairer dans une démarche où tu es un peu confus, ben ça aide. Moi, si j'ai pas de solution, je vais si, disons que je vis une zone de confusion, je vais m'informer de gens que je reconnais qui ont de l'esprit. Je vais dire, qu'est-ce que tu vois, toi, là-dedans? Moi, je vois plus clair, là, je suis trop d'embeuré, là. Puis la personne, elle va m'éclairer. J'en bénéficie, au même titre que la personne, elle, à un moment donné, c'est elle qui va être dans une beurrée quelconque. Je vais l'éclairer, parce que j'ai une vision peut-être objective de la situation qui peut me permettre de voir des choses. Puis si elle voit pas, ben, je suis capable de rester au bat assez longtemps pour qu'on y trouve un secteur de mise en opération, de mise en action, parce qu'oubliez pas, une vibration, c'est pas passif, c'est actif. Quand on t'informe, t'agis dessus. Moi, si on me dit, fais telle chose, puis que je le fais, ben, je vois des résultats, parce que je suis mis en vibration. Fait qu'écouter, obéir à quelque chose, faut que t'aies une intégration, faut que t'aies saisi la nuance entre l'influence et la vibration. Puis conséquemment, ben c'est facile de dire, ouais, je coupe là, je m'en vais pas dans mes habitudes là. Tu sais, j'ai l'habitude de prendre le pont Champlain, je coupe là, je vais dans la zone où je vibre l'affaire d'aller à l'est, donc d'aller avec ce que les forces me disent de faire. Fait que l'évolution d'une prise d'intégration, ça vient d'actes que tu poses sur des événements sur lesquels tu perds contenance. Tu perds contenance dans certains secteurs, c'est des avertissements, ça, là. Puis toi, quand tu coupes égoïquement, c'est des coupeurs temporaires, parce que, comme j'ai dit, ils vont te le remettre dans ta soupe. Mais quand l'esprit te force à couper, puis t'es capable de voir que c'est les forces qui te font couper, que c'est pas ton ego qui pense qu'il coupe, là, bien, quand ça se passe de même, il y a des décisions à prendre. Puis les décisions, ils vont plus loin que la forme. Plus loin que la forme, ça veut dire que la forme a simplement présenté un événement dans ta vie pour que tu comprennes plus large que l'événement. Mais tout ça pour dire que j'agis sur l'information et sur l'événement et que le rapport entre les deux m'indique un mouvement à prendre qui va plus loin que l'affaire de l'oiseau puis le chat. Ça m'emmène sur le terrain de ma propre vie. Vous me suivez? Puis à prendre des directions de vie à partir d'un événement que pour bien du monde, c'est banal. Donc, ce qui est à comprendre dans le message que je veux vous passer, c'est que quand vous êtes dans l'affaire de couper, c'est que votre ego vit de l'impuissance, il vit une sensation de dépassement, et puis si vous sortez, mettons qu'on prend un rapport humain, là, tu sais, une relation affective, une relation de couple, une relation quelconque, quand vous avez à vivre des coupures, pensez comme Peter, on reset la machine, on passe pas la machine à travers la fenêtre, on la reset. On y redonne une chance de réapparaître, corrigé. OK? Ça, si vous êtes capable de comprendre que couper, c'est pas mauvais, ça fait du bien, qu'une femme, exemple, qui n'aura le bol de son mari ou vice-versa, puis qui décide de couper, là, tu sais, elle dit, ben moi, écoute, je prends une semaine de vacances puis je veux pas que tu viennes avec moi. C'est une coupure. Est-ce que c'est une coupure qui est sous le jeu de l'ego? C'est sûr. Mais en arrière du jeu de l'ego, il y a aussi la vibration qui, bon, il veut revenir dans ses bottines. Il y a combien de gens qui vivent dans un milieu de travail puis qui ont besoin de se couper de leur milieu de travail? C'est pas qu'ils veulent se couper le milieu de travail, ils veulent pas lâcher le job. Ils ont juste besoin de décanter. Quand tu reviens chez vous puis que la femme, elle entend le mari qui parle tout le temps de sa job, c'est comme, écoute, là, tu pourrais pas couper avec ta job, là, les heures que tu passes ici, qu'on parle d'autres choses que ce que tu fais sur la job, parce que là, tu n'auras pas de break, puis tu vas me saturer de quelque chose que je vis pas. Vous me suivez? La relation que les gens ont avec la femme, ça les oblige des fois à couper d'une façon très égoïque, mais s'ils sont capables de lire dans le geste qu'ils posent tout ce que ça implique au niveau de la vibration, ils vont pouvoir comprendre pourquoi ils coupent, plutôt que penser qu'ils coupent puis se donner une fausse autorité là-dedans. Parce que pensez pas que quand vous coupez, vous êtes en force. Quand vous coupez, vous êtes en perte de contenance. C'est ça que ça veut dire. Fait que vous coupez parce qu'il vous manque quelque chose. Puis c'est de couper qui va vous permettre de voir d'autres choses pour améliorer votre vie, parce que dans le fond, ce que vous voulez, c'est améliorer votre vie. Quand vous êtes dans un rapport humain, vous êtes obligé de couper, c'est parce que l'autre, en quelque part, si vous continuez à garder la relation, il va vous drainer, il vous restera plus une goutte de sang dans le corps, là. Puis c'est pas qu'il veut le faire, parce qu'il peut avoir toutes les intentions du monde de vous aider, d'améliorer votre vie, mais il vous sent pas. Il vous sent pas. Savez-vous ce que c'est de la communication dans la sixième race? C'est sentir l'autre avant de commencer à s'exprimer. Puis dans la cinquième race, c'est pas sentir l'autre, c'est infiniment.